Y'a les embrouilles à la maison. Quand je fume pas la matin, je perds la raison. Je vois des fils d'eux sur les réseaux. J'écoute ma maman, elle a souvent raison. Je peux pas mourir ou aller en prison. Faire la une de la télévision. J'ai des ambitions, j'ai des visions. Tu peins d'alcool, tu prends de religion. Je pourrais peut-être finir solo. Frangin, c'est pas rigolo. Je veux pas me prendre une rafale dans les mollets. Ou qu'on me fasse des trous sur le polo. J'écoute que je dis, ça me met des frichetons. J'en ai pas le droit comme un hérisson. Il est plus de la Honda, il a fait sa démission. Faites gaffe à qui vous donnez des missions. Nique sa mère, toutes les embrouilles. On fera comme si on se connaissait pas. Tu m'as dit, lève-toi ça de la tête. Mais au final, moi, je sais que c'est toi. Sur le bon coin, mon disque d'or. Je calcule pas, je vais pas me disputer. Elle me voit, le coup, elle se dort. Mais moi, j'ai pas le temps de discuter. Je fais pas de bitch, putain, elle dort. Finis mon péto à la fenêtre. Je fais pas de bitch, putain, elle dort. Je finis mon péto à la fenêtre. Dans le coin, ça tire, tire, tire. La poisson, ça tire, tire, tire. Je commence à bille. Elle est belle et gentille. Je joue pas les king king tank. Quand je suis devant, tu penses de cette langue. Dis que les faux, y'a que ma mif qui compte. Fais pas le trafiquante. Je mets le pas de ma vie. Combien j'ai fait de billets Combien j'ai brillé Combien j'ai crié Wesh poteau, ils sont dans la merde à cause de toi. Toujours serein sur la moto. Sur le frein arrière, toujours les deux doigts. T'es un bon, peut-être que oui, peut-être que non. Et arrête de me faire le patron. On le sait, t'es le prétenant. J'suis papa papa là. Dans ma bouche une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. J'fais du son pour la ma là. J'suis papa papa là. Dans ma bouche une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. J'fais du son pour la ma là. J'suis peace and love, c'est pas des lol. Transmets des lignes, un petit peu des balles. J'fais mis de la frappe, m'a mis une claque. J'suis dans les rescates, direction l'Espagne. Ça vend des plaques, j'suis pas la monde au break. Ça y est, tu fais le mat, parce que ça fait le bec. J'roule pas des sticks, j'suis pour l'Olympique. J'suis toujours mon éthique devant l'ordi comme un geek. Ça va faire pas. Et puis va balader des gros nénéos. Tu veux profiter, va te promener. Si tu me fais chauffer, je vais plus t'emmener. Si les yeux collés, je taffe comme un chien. Au suite, 7 sur 7, je m'en pas dans le néo. Tout c'est vive l'OM, demande à mon bel. L'école sur maillot, elle peut pas tomber. J'fais la danse pour toi, comme Gibbs ou Patrick Jambouin. Y'a de la bundle dans le coin, faut que je la cache, il me reste qu'un point. Lui fait comment dire, il jure sur Tati. Ti, j'ai envie de m'évader, ça moi m'a dit. Dis mes boss, ils grimpent des murs. S'ils veulent les rendre sur toi, c'est des Yamakasti. Moi, j'suis papa papa là, dans ma bouche, une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. J'fais du son pour la ma là. J'suis papa papa là, dans ma bouche, une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. J'fais du son pour la ma là. Moi c'est qui là, l'ovni du ghetto. C'est pour les guetteurs, vendeurs de bédo. Ce sont des métaux, ce sont des réseaux. C'est pour les mythos, sur les réseaux. Trop fin, ça mouille le maillot. Pipa Benedetto, virage sud, virage nord. Aux armes, j'entends les échos hein. J'rappe de fou et j'suis tout terrain. J'débarquais dans le game comme les cutéreux. J'rappe de fou et j'suis tout terrain. J'débarquais dans le game comme les cutéreux. Tu veux de la frappe, j'vais donner de la frappe. J'm'en heal, tum-tum, j'suis sous peau à cap. Tu lèches les gens, rien que tu t'agrippes. C'est pour les vaillants qu'on peut jouer pour la gratte. Pour la gratte. Pour la gratte, pour la gratte, pour la gratte, pour la gratte, pour la gratte, pour la gratte, pour la gratte. Dehors c'est triste, j'reste chez moi. Faut des dollars, c'est pour ça que certains finissent dollars. C'est pour mes honneurs, pour mes honneurs. Vaut mieux se priver avec des poteaux que manger du caviar avec des connards hein. Et on en connaît des conneurs, des déconneurs. J'regarde le match en streaming, j'ai pas le décodeur. Laissez passer la machine. Le rap, je l'assassine. Au studio, c'est la Chine. Ça rappe même avec l'enzyme. De me donner à manger à un chat, t'as un chien. Ils jalousent quand t'as sauté le mur. Parce qu'ils sont en bas de l'échelle. On connaît les chèques, on connaît les chocs. Pas les endroits chic, j'ai tout chicha. Gros son sous votre cage, dans ce du Aïcha. Capuche au guichet, toujours même pas pris. Je suis papa papa là. Dans la bouche, une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. Je fais du son pour la ma là. Je suis papa papa là. Dans la bouche, une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. Je fais du son pour la ma là. Moi, je suis papa papa là. Dans la bouche, une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. Je fais du son pour la ma là. Je suis papa papa là. Dans la bouche, une caca caca là. Ils sont pleins de bla bla bla bla bla. Je fais du son pour la ma là. Yeah.